Du sage adolescent. La femme de vos rêves est peut-être avec vous, et vous ne le savez pas. De belles heures, vérité. Véritable si j'étais demain. Serais-je déjà approché, avant ce doux matin? N'y a-t-il donc rien de céleste? Au jeune bonsoir, à celui qui aime sans le savoir, l'ensorcelé d'une vie, celui dont on a pris l'envie pour le pouvoir. C'est un adolescent et une adolescente, et du sens adolescent qui le demande. La femme de vos rêves est peut-être avec vous, quand l'oubli demeure un rendez-vous. Mais qui êtes-vous pour le savoir? Du sage adolescent.